vie sans effort. Des heures tranquilles à ne rien faire, mais écouter les gens. Une voix fragile par son mystère, elle joue à faire semblant. Bye.